Psaume 55. Machil de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Néglinote. Ô Dieu, prête l'oreille à ma requête, et ne te cache point arrière de ma supplication. Écoute-moi, et m'exauce, je verse des larmes dans ma méditation, et je suis agité. À cause du bruit que fait l'ennemi, et à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi tout outrage, et ils me haïssent jusqu'à la fureur. Mon cœur est au-dedans de moi comme en travail d'enfant, et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi. La crainte et le tremblement se sont jetés sur moi, et l'épouvantement m'a couvert. Et j'ai dit, « Oh, qui me donnerait des ailes de colombe ? Je m'envolerai, et je me poserai en quelque endroit. Voilà, je m'enfuirai bien loin, et je me tiendrai au désert, c'est là. Je me hâterai de me garantir de ce vent excité par la tempête. Seigneur, engloutis-les, divise leur langue, car j'ai vu la violence et les querelles en la ville. Elle l'environne jour et nuit sur ses murailles, l'outrage et le tourment sont au milieu d'elle. Les calamités sont au milieu d'elle, et la tromperie et la fraude ne partent point de ses places. Car ce n'est pas mon ennemi qui m'a diffamé, autrement je l'eusse souffert, ce n'est point celui qui m'a en haine qui s'était élevé contre moi, autrement je me fusse caché de lui. Mais c'est toi, ô homme, qui étais estimé autant que moi, mon gouverneur et mon familier. Nous prenions plaisir à communiquer nos secrets ensemble, et nous allions de compagnie en la maison de Dieu. Que la mort, comme un exacteur, se jette sur eux, qu'ils descendent tout vifs en la fosse, car il n'y a que des maux parmi eux dans leur assemblée. Mais moi, je crierai à Dieu, et l'Éternel me délivrera. Le soir et le matin, et à midi, je parlerai et je m'émouerai, et il entendra ma voix. Il délivrera mon âme en paix de la guerre qu'on me fait, car j'ai affaire contre beaucoup de gens. Le Dieu fort l'entendra, et les accablera, car il préside de toute ancienneté, c'est là, parce qu'il n'y a point de changement en eux, et qu'ils ne craignent point Dieu. Chacun d'eux a jeté ses mains sur ceux qui vivaient paisiblement avec lui, et a violé son accord. Les paroles de sa bouche sont plus douces que le beurre, mais la guerre est dans son cœur, ses paroles sont plus douces que l'huile, et néanmoins elles sont tout autant dépénues. Rejette ta charge sur l'Éternel, et il te soulagera, il ne permettra jamais que le juste tombe. Mais toi, ô Dieu, tu les précipiteras au puits de la perdition, les hommes sanguinaires et trompeurs, ne parviendront point à la moitié de leur jour, mais moi, je m'assurerai en toi.